Contes et légendes de la Manche, Réville, le moine de Serres. Depuis Saint-Vallaougue jusqu'à Réville, petite commune qui occupe une langue de terre qui forme une pointe avancée dans la Manche, s'étend une chaussée qui sépare la mer d'immenses marécages constamment impraticables. Cette chaussée se termine en pont jeté sur la Serre à son embouchure, en face d'une île appelée Tatillou, sur laquelle est construit un lazaret. À partir des marécages, cette contrée est du plus bel aspect. La campagne se déroule au pied de magnifiques collines, murs naturels de champs fertiles et verdoyants. Sur la dernière hauteur, semble de loin faire un pas dans la mer, s'élève la Pernelle, humble et modeste monument pour la prière du pauvre qui seul habite cette côte. Là, toujours exposée aux orages, aux ouragans, cette modeste église n'a jamais failli à son devoir de bienfaisance. Son but à elle n'est pas de faire l'admiration des curieux et des artistes, mais de sauver des dangers sans nombre que présente la côte, les marins auxquels elle indique les roches aiguës, écueils traîtreux cachés sous une mer tranquille. Pour les marins, gens du cœur croyant, pour les habitants de ces campagnes, hommes simples et pénétrés des anciennes chroniques, tant de malheurs arrivés sur ces écueils n'ont pas de cause naturelle. C'est une puissance surhumaine qui les dirige. Et voici le récit qu'ils en font. Un soir, au baisser du jour, la gentille Milie, la fille d'un vieux pêcheur dont la cabane, dominant les environs, était bâtie ainsi qu'un nid de mouette, sur le sommet des rochers de Réville, tout à l'angle de la pointe du cap, venait de ramasser des coquillages qu'elle avait recueillis dans une corbeille d'osier. Elle se hâtait, car la mer était basse depuis longtemps, et sur ce rivage uni, le flux et le reflux se font en un instant. La belle enfant s'en allait, chantant quelques refrains d'un vieux Noël, dont l'air se modulait sur sa marche, comme il se prêtait aux manœuvres des marins ou au travail des pêcheurs. En tournant quelques blocs de falaise sur lesquels elle recueillait parfois des moules, elle aperçut un jeune homme qui était assis et semblait plonger dans de profondes réflexions. Elle s'inclina, car le rêveur n'était autre que messire Hamon de Réville, second fils du seigneur de la paroisse. Elle essaya même d'exciter son attention par un léger bruit, mais ni sa révérence ni son mouvement ne purent tirer Hamon de sa rêverie. Tournant alors la tête vers la mer qui devait remonter bientôt et submerger les falaises, elle s'approcha de lui et, vivement émue de son audace, elle frappa doucement de sa main sur son bras. Il leva brusquement la tête. « Qui me dérange ?»« Monseigneur, » dit-elle en baissant les yeux, « excusez-moi. » En voyant cette charmante fille, Hamon s'était apaisé bien vite. « Que voulez-vous ? » lui dit-il avec bonté. « Monseigneur, voici l'heure de la marée. » « Que m'importe ? » « C'est que vous ne pouvez rester ici. La mer couvre ces rochers à plus de 10 pieds. »« Eh bien, » dit-il avec indifférence. « Mais, monseigneur, si vous ne vous hâtez, j'entends le flot qui vient et vous serez noyé. »« N'est-ce que cela ? » « Oh, de grâce, monseigneur, suivez-moi. »« Je peux mourir ici, dis-tu ? Au nom du ciel, fuyez !»« Va, mon enfant, merci et adieu. » »« Mais cela ne se peut pas, je vous en conjure. Voyez, voyez l'écume blanche qui devance les lames. Nous n'avons plus que quelques minutes. Au nom de ceux qui vous aiment, venez. »« De ceux qui m'aiment, » reprit-il avec amertume. « De ceux qui m'aiment. » »« Va !» « Pars, fuis, mon enfant. Tremble pour toi. Songe à ceux qui t'aiment, toi. Mais moi... » « Monseigneur, » dit-elle alors résolument en posant par terre sa corbeille, « il ne serait pas dit qu'un bel et brave gentilhomme comme vous sera mort devant moi sans que j'y mise obstacle, et puisque vous voulez rester ici, j'y demeurerai aussi. » Cela dit, elle s'assit sur un roc, les bras croisés. « Par l'âme de ma mère, » s'écria Hamon, « tu es une admirable femme. » C'est moi qui céderai. Dieu ne veut pas que je meure ce soir, car je serais damné de te faire mourir avec moi. Conduis-moi par le plus bref chemin. » Millier reprit silencieusement sa corbeille, la plaça sur son épaule, et plus leste qu'une barque favorisée du vent, elle prit sa course si rapidement, malgré son fardeau, que son compagnon avait peine à le suivre. Il mettait à peine le pied sur la chaussée que le flot arrivait bouillonnant, en frappait la base et s'y brisait en mille jets qui tombaient comme une pluie fine. « Tu m'as sauvé la vie, » dit Amon. « Mais c'est un funeste présent que je te dois. Mais parle, que veux-tu ? » ?»« Moi, mon seigneur ? Oh, mais que pourrais-je vous demander ? Je ne veux rien. » « Si fait, si fait, j'exige. » « Eh bien, promettez-moi de ne plus avoir de ces vilaines idées, car c'est un grand mal de se tuer. La vie est si belle. » « Oui, mon enfant, pour toi la vie est belle, parce que autour de toi tout est tendresse et amour. » « Oh oui, mon seigneur, j'aime tant mon père, il m'aime tant aussi. » « Ton père, ce n'est que ton père que tu aimes. » « Et vous voulez mourir, vous qui avez aussi un père, et qui avez, de plus que moi, un frère qui vous chérit. » « Comment te nomme-t-on, ma jolie pêcheuse ?»« Milly. » « Milly, aime toujours ton père. Sois heureuse, bénis Dieu qui t'a fait naître pauvre. » « Monseigneur, vous m'avez promis de ne plus jamais songer à mourir. » « Adieu, Milly, mon ange protecteur. L'heure s'avance. Ton père qui t'aime, s'inquiète de ta longue absence. Va le rejoindre. » « Vous m'avez promis. » « Tu es mon ange, je te dois la vie, je vivrai, je souffrirai. Adieu, Milly, va embrasser ton père. » « Bonsoir, monseigneur, » dit-elle d'un accent si triste qu'il fit venir une larme dans les paupières de Amon. Elle prit le sentier qui menait à sa chaumière, et en se retournant plusieurs fois dans le trajet, elle aperçut le chevalier immobile à la place où elle l'avait quitté, les yeux tournés vers elle. À la veillée, tandis que son père raccommodait les mailles d'un filet, elle ne chanta pas comme à l'ordinaire. Sa main laissa par moments son fuseau inactif. Elle songeait qu'il était bien triste qu'un beau gentilhomme comme le second fils de Monseigneur de Réville ne fût pas heureux. « Mon père, » dit-elle tout à coup, « il est vrai que Monseigneur ait de la préférence pour un de ses fils. » À cette question, le vieillard la regarda en souriant. « Quoi ? Tu t'occupes aussi des médisances du village ? » ?»« Laisse cela, mon enfant, aux bavards, aux oisifs. Les affaires des grands ne regardent pas les petits. » Monseigneur ne peut pas faire autrement que de donner tous ses biens et ses titres à son fils aîné. C'est l'usage, c'est la loi. Mais qu'aura donc l'autre ? L'autre ? Une robe de moine. Ah, je comprends tout maintenant. Que dis-tu donc ? Je comprends ce qu'on dit dans le village. À quoi bon t'occuper de ces choses ? C'est vrai, j'ai tort, dit-elle en l'embrassant. Dieu est bon, j'ai un père qui m'aime. Le lendemain, sur la grève, elle vit venir à elle Messire Amon. Sa poitrine éprouva un serrement indéfinissable qu'elle n'avait jamais ressenti. Son visage, bruni par le soleil, se colora plus vivement encore. Elle s'arrêta, n'osant ni avancer ni reculer, attendant. Elle était admirable ainsi, la fille du rocher, la tête couverte d'un large chapeau de paille entourée d'un ruban de couleur, les cheveux comme le jais, tombant en deux tresses sur les épaules, le sein couvert d'un corsage rouge, et n'ayant, pour tout autre vêtement, qu'un court jupon à rayures. Ce n'était pas une femme frêle comme un roseau, pâle comme une marguerite fleurie sous la mousse. Ce n'était pas non plus une amazone au regard hardi. Ses formes arrondies étaient admirablement modelées, son visage était régulier et presque fier. Son teint légèrement cuivré était adouci par le contraste adorable de deux yeux bleus, d'une douceur extrême. « Que vous êtes jolie, Milly, » dit le chevalier en prenant une main qu'elle n'osa retirer. Ce compliment accrut son embarras. « Vous m'avez dit hier que vous n'aimiez que votre père. » « Oh, certainement, » répartit-elle avec un empressement qu'elle eût voulu ensuite dissimuler. « Celui sera bien heureux que vous aimerez autrement que d'un amour familial. » « Monseigneur, le temps passe, ma tâche n'est pas encore finie. » Nous l'achèverons ensemble. Vous, monseigneur ? Elle montrait en souriant des dents plus blanches que l'ivoire. Moi, Milly, qui vous prie aujourd'hui de m'accepter comme compagnon de travail. En même temps, il se mit à ramasser aussi des coquillages. Lorsque la corbeille d'osier fut pleine, ils regagnèrent la chaussée et, comme la veille, Milly, se tournant à trois reprises, aperçut Amon immobile, la suivant du regard. Les jours d'après, ce fut de même, mais chaque fois les doux propos du chevalier devenaient plus tendres. Chaque fois le cœur de la fille du pêcheur battait plus fort. Si bien qu'un jour, assis à l'ombre dans les falaises, Amon lui racontait ses souffrances, et elle s'efforçait de le consoler en s'affligeant avec lui. Hélas, n'était-ce pas aussi injustice, cruauté? Lui, si jeune, si noble, si beau, parce qu'il avait un frère qu'on voulait marier à une grande dame, on le privait non seulement de ses biens, de ses dignités, mais du bonheur. Un ordre d'un père inexorable, juge souverain, despote absolu, avait décidé qu'il irait dans un cloître, ensevelir sous un froc sa jeunesse et sa liberté, son présent et son avenir. Adieu donc, beaux rêves, belles espérances. Gloire, fortune, plaisir, il fallait comprimer les battements de son cœur, les élancements de son âme. Mettre ce vaillant jeune homme dans un cloître, c'était river le couvercle d'un cercueil sur son vivant. Mais qu'importait à l'inflexible volonté de Monseigneur de Réville? Qu'importait au cœur sec et envieux du frère de la victime? Il fallait que l'aîné d'une si noble race pût faire grande figure par le monde, soutenir par les prodigalités l'éclat de son blason. Cela valait bien qu'on immolât ce second fils, qui avait grand tort de se donner la peine de naître vraiment. Que ne suis-je né comme toi, Milly, ignoré, pauvre, obscur? Il n'y aurait pas de déshonneur pour moi de vivre du travail de mes mains, au lieu d'aller mourir de désespoir dans ce monastère maudit. Je respirerais l'air libre de la mer, ayant pour me consoler de mes chagrins, pour me reposer de mes fatigues, le cœur et le sein d'une femme adorée. N'y a-t-il donc aucun moyen d'empêcher ce malheur? Si fait, il en est un, chanceux, désespéré. Puis-je vous y servir? Tu y seras de moitié. Quel est-il? La fuite. Tu m'accompagneras. Partout. Merci, merci. Je n'ai donc pas trop présumé de ton amour. Demain, au point du jour, attends-moi à la croix de bois au-delà du pont de Serre. Quoi? Tu pleures? Et mon père que j'oubliais? Ah, c'est vrai, tu ne peux pas venir avec moi. Allons, tu vois bien que je suis maudit. Nous ne nous reverrons plus. Demain, ce n'est pas au rendez-vous que j'irai. C'est au couvent. Eh bien non, s'écria-t-elle, non! Que le ciel me punisse, que mon père me maudisse. Amon, vous l'emportez. Au point du jour, je vous attendrai à la croix du pont. Elle fut exacte au rendez-vous, mais Amon ne vint pas. Son père, redoutant de la résistance de sa part, l'avait, pendant la nuit, fait enlever par ses gens et transporté, malgré ses efforts furieux, au couvent voisin. Une cellule obscure, un cachot, dirais-je, le reçut d'abord, jusqu'à ce que le désespoir cédant à la rage, la douleur à la colère, épuisé d'un mois de violence et d'imprécations, il sentit que la lutte était trop inégale, qu'il fallait se laisser attacher le joug, dévorer et cacher ses tortures. Cette résolution prise, il se laissa sans murmure passer la robe blanche de novice, ceignit ses reins d'un grossier cordon, s'attacha à son côté, au lieu de son épée, un chapelet et un crucifix. Humble, pieux, modeste, il mérita d'être cité au plus ancien même comme un digne exemple, et le supérieur lui annonça un jour que, par égard pour ses mérites, on abrégeait le temps de son noviciat, et que sous peu il serait admis à prononcer ses vœux. Mais lui, honteux enfin à une dissimulation qui répugnait à sa noble nature, à cette nouvelle, il résolut d'accomplir un projet pour lequel il lui avait fallu tromper tous les esprits, capter la confiance, éloigner tous les soupçons. On n'avait pas songé une seule fois, depuis son apparente conversion, à visiter sa cellule. La fenêtre donnait sur la campagne. Il avait descellé un des barreaux de fer qui la garnissait. La nuit, quand chaque membre de la communauté fut endormi, il fit une corde de ses couvertures coupées en bandelettes et la laissa glisser. Jusque-là, le ciel lui-même semblait favoriser son évasion. La nuit était sombre à ne rien distinguer à deux pas. Le vent qui soufflait avec force apportait le bruit des vagues de la mer soulevées par l'orage. Il se dirigea de son milieu vers la pointe de Réville, vers la demeure de sa bien-aimée. En songeant à elle, son cœur battait d'un inexprimable sentiment d'amour. Il oubliait de ce qu'il avait souffert, et l'ouragan et la pluie qui tombaient à torrents, et la liberté. Il allait revoir Milly. Son existence entière était dans un mot. Traversant les champs, gravissant les rochers, il arriva jusqu'à la cabane du pêcheur. L'orage était déchaîné dans toute sa fureur. Les éclats du tonnerre ébranlaient le ciel sillonné parmi les clairs. Les habitants de la chaumière étaient faits à cette formidable voix. Le vieillard dormait profondément, et si Milly était éveillé, ce n'était pas le tonnerre qui causait son insomnie. Oh non, c'est qu'elle était ainsi depuis le jour fatal qui lui avait ravi celui qu'elle aimait. Pour elle, pauvre fille, plus de repos, plus de sommeil, plus d'espérance. Tout à coup, sur sa couche, elle tressaillit. Il lui sembla avoir entendu un léger bruit sur la porte. Ce n'était pas l'orage, cette fois, ou le vent qui ébranlait la chaumière. On frappa une seconde fois, trois coups. Son cœur eut un pressentiment, elle alla ouvrir. « Milly ! » s'écria le novice en l'apercevant à la lueur des éclairs. « Silence, mon père repose. Que faire ? » ?»« Tiens, le ciel s'éclaircit, l'orage s'apaise, la mer se calme. La barque de mon père est amarrée au bas de la falaise. Tu sais manier la rame. Là-bas est l'île de Tatillou. Nous pouvons y trouver un abri. » « Mais ne crains-tu rien, regarde. Les flots sont encore agités, le vent est contraire. Moi aussi je sais ramer, et à nous deux, nous serons plus forts que les flots. Viens donc, et Satan nous soit en aide. Invoquons plutôt Dieu. » « Dieu, » fit-il avec un sourire, qui fit une impression pénible sur sa compagne. « Dieu. Depuis, il m'a abandonné, et cet habit maudit que ces traîtres m'ont forcé de revêtir atteste de la reconnaissance que je lui dois. « Amon, » dit la jeune fille, effrayée de ces sacrilèges paroles arrachées par l'amertume à son amant, « vous aviez raison, la mer est mauvaise. Retournons à la cabane, je vous y cacherai de mon mieux. » « Non pas, nous voici arrivés, l'autre rive est sûre. En mer. » Elle n'osa résister. Bientôt, le frêle esquif quitta le bord. Mais le ciel devint plus sombre, l'ouragan gémit, les vagues s'élevèrent comme des montagnes. Les rames furent impuissantes contre les flots dont elles touchaient parfois à peine la surface et dans lesquelles parfois elles se plongeaient jusqu'à la poignée, suivant que le sommet se trouvait à leur sommet et de leur sillon. Ce fut un horrible moment. Silencieux sur leur banc, les deux imprudents voyaient avec terreur une sorte de mort inévitable. Leurs rames furent enlevées par un coup de mer qui submergea à moitié l'embarcation. Alors ils se virent tout à fait perdus et tombèrent pour la dernière fois dans les bras l'un de l'autre. Puis Amon, se dressant tout debout, essaya d'appeler du secours par cet appel des marins en danger. « Sauve la vie ! Sauve la vie !» D'abord, la voix sinistre de la tempête lui répondit seule. Mais enfin, la nacelle, portée par le roulis plus près des falaises, permit à ses cris d'arriver à la chaumière du pêcheur. Les naufragés aperçurent la clarté d'une torche allumée par lui. Ils le virent descendre près du petit havre où il arrêtait habituellement sa barque. Le brave homme croyait avoir apporté du secours à des étrangers en détresse. Ne la trouvant pas, il dirigea ses regards vers le point d'où venaient ses cris, et il aperçut le novice qui tendait vers lui les bras, enveloppé comme un spectre dans les plis de la robe blanche. « Malheureux ! S'écria-t-il. Malheureux ! » Au même instant, il sembla que la mer creusa un abîme sans fond. Le canot y fut précipité. Les deux lames se rapprochèrent. La mer redevint calme, unie comme une glace, le ciel bleu, la lune éclatante, et on aperçut sur la pointe des falaises un vieillard agenouillé priant pour les morts. Il arrosait ses invocations de larmes douloureuses, car il avait trouvé déserte la chambre de sa fille bien-aimée. Le ciel eut-il égard à ses touchantes prières ? Oui, sans doute. Il ne fut pas plus rigoureux que ce vieillard si cruellement trahi et qui trouvait dans son cœur pardon, des prières, pas une imprécation. Mais comme nul ne pria pour l'âme du novice sacrilège, elle fut condamnée à errer jusqu'à la fin des siècles dans les lieux témoins de ses péchés. Depuis cette nuit terrible, quand un voyageur attardé est contraint de parcourir la chaussée qui sépare le marais de la mer, et que celle-ci est dans son plein, Il n'a pas fait un court trajet qu'il entend des cris d'une affreuse angoisse. Il porte les regards vers le point d'où ils partent. Une forme humaine, couverte d'un vêtement blanc, se débat sur les vagues. Le premier mouvement, en pareille occurrence, est de chercher à sauver le malheureux qui va périr. Il regarde autour de lui. Précisément, à ses pieds, il a un canot muni de tous ses agrès. Instinctivement, il détache la nacelle. La rame fait son office. Mais à mesure qu'il avance, la mer emporte l'être qui va périr et dont la voix épuisée fait encore entendre ces mots. « Sauve la vie ! Sauve la vie !» Le sauveteur redouble d'efforts tout entier à sa courageuse entreprise qu'il ne s'aperçoit pas qu'il va donner dans l'écueil le plus dangereux de toute la côte. Le courant saisit la barque, qu'un bras fatigué ne peut retenir, l'entraîne en tourbillon sur la pointe de roche perfide. Elle s'entr'ouvre et disparaît avec celui qui la montait. Alors, un infernal éclat de rire retentit dans les airs, et l'apparition fantastique s'évanouit à son tour. Le moine de serre a rempli sa tâche. Octave Ferré, Les gens des traditions de la Normandie, 1845. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.